la voix, se choisissant une augure azurée, baigne le ruisseau dans la lumière et je te vois. Tu es là, et la semence, tu lâches, un pétulant azuré, bête immonde, moi je me hais, je me meurs, le ciel, l'azur, l'azuré. Et c'est moi qui te vois. Pendant que là, mélancolie tournoie rondement jusqu'au bout de la tulipante suite pour plus tard réservée, pourtant, c'est quant à lui qu'il se retrouve vers la merde que je suis. Pourquoi ? Pourquoi fuis-je dans l'erreur de la droitesse, rature comme noblesse, étude et tergiversation ? Câlin. Et pour ainsi dire jamais, je me jure déjà de l'être. Jurons. Mais, but, pourquoi l'inazur, n'obstruant que peu l'inobscur, adverse, adverse, territoire de l'autre, étrange, et il prie, et dit, merde, j'ai marché dans la merde, et caetera. Love, love is not a who, so me, nah, not only, no one, yes, no, a one, not one person in this world do I mock, I see, at last, I see, words float at last, and I'm dying at long last, finally at peace, flowed, piece of tusk, I am a piece of tusk, à défaut d'ivoire, un bout de défense, défoncé de par les hautes murailles, chiclets, to die, hair green, for all I care. Nah, give up. I'm a piece of tusk, a piece of tusk, a piece of tusk. La même que moi. Quelque part, la même que moi, quelque part. Je suis la même que moi, quelque part, oui. C'est vrai, quelque part, je suis la même que les autres. Et ça pique, l'amour propre que d'être la même que les autres mecs. Je me déteste et veux mourir. Et quand ça fait ça, je cogite et je résiste à la volonté de m'agresser, car je suis une merde. I don't know. Tough, it's tough. Nah, yes sir, it's tough. Tough. C'est balèze, mal à l'aise, je suis, oui, c'est ainsi que les choses sont faites. Dermique, se monter la tête, non, je fais autre chose. Changeance de cet absolu en un, in, in espoir que le voyage, voyager, psychonaute, voyage psychique, changement vital, oui, c'est sûr, c'est ainsi, infini de la perfection, imperfection assurée. Assurance de non-monstruosité. Douceur. Le raccourci n'existe plus. Seul le changement efficace exalte les choses. Exulté, but, non, moyen, pas sûr. Traverse non plus événement, oui, phénomène, aussi bonheur peut-être, il est sûr de rien, il est sûr que rien n'est sûr, inefficacité assurée, démence rotulier, je suis la rotule démente, évidemment, mais n'est-il pas une misère humaine, foutrée, foutue cruauté, crue, elle, il, non, pourquoi pas, après tout, je suis quoi, croix, croix, des champs de sang brillent, la zone. Je me rends compte d'être une merde mal. Je ne me déteste pas et souhaite changer. Passe une bonne journée. Awkward. Something wrong about all this. There's something wrong about this. Something Yeah. Thank you. Il y avait quelque chose à dire, je crois. Canal Sud 92.fm ou canalsud.net, c'est une nuisance, l'émission qui a nous sens, l'émission est toute une nuisance. Vous êtes toujours les malvenus, et c'est toujours le 43 Fat du Méril, le 31400 Toulouse. Téléphone le 05 61 53 36 95, je n'ai pas assez affirmé ce soir. Je vous vois vraiment désolé de ce fait. Je vous le précise. Bad moves if you want to be bad. Thank you. There's something about nothing that doesn't bother me so much. It's been the same the whole goddamn time. It just stays nothing, nothing, nothingness. Il y a quelque chose à propos du rien, de rien, qui ne me dérange pas tellement. Ça reste toujours la même chose, le rien, et c'est tout. Chose à propos de rien qui ne me déplaît pas du tout. C'est toujours la même chose, ça reste le rien et c'est tout. In chime in the des cracottes. Je veux le numéro C. Mais où est donc passé le bureau des cracottes? Donnez-moi le numéro C. Comment cela se fait-ce? On ne peut plus s'émanciper dans ces lieux de démocratie et de culture. Un shit qui te fait tomber très fort. Les cracottes. Et comment se fait-ce? Les cracottes. Comment se fait-elles? Elles-mêmes. Immanence des cracottes ou transcendance des cracottes? On m'a ôté les cracottes! On m'a ôté les cracottes. Ôte-moi les cracottes. Craquinette, parle-moi de mon croquant. Craquinette. Mais qui n'êtes-vous à part des cracottes dont on a ôté les craquinettes? Croquant, croquant, croquante, croquante. Décès. Les croquantes se sont déroulées bien avant. C'était même anti-croquant. Mourir. Mais il est l'heure, en effet, de mourir, de décéder. Je dirais vivre. Sans le D, avec le C et moins le D. Il faudrait changer le sexe. Vivre. Le sexe, c'est vivre. Oui, mais je ne comprends pas. Et mourir, c'est le sexe. Pour vivre dans le sexe, il fallait deux sexes opposés. Mais lorsqu'on additionne deux sexes, parfois ça marche aussi. Lorsqu'on additionne le même sexe, on peut créer la vie. C'est juste qu'il faut l'additionner un peu plus longtemps. Bien d'hommes ont essayé de créer la vie, seul à seul. Essayant tous les orifices, tous les membres pénétrants. Aucun des orifices, car la mort, c'est le sexe. Et tu ne veux pas mourir. C'est parce qu'ils n'ont pas essayé à nombreux. Tu es un. On dit toujours, l'union fait la force. Tu es une. Tu es une. Non, faut pas tuer une. Tu es. Une est une bonne personne. Tu es un. Et tu es une. Devenez soi. Non. Non, soi. Non, soi. Et soyez. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Vous oubliâtes. C'est la seule drogue. Parce que j'avais envie une fois que j'ai envie tout le temps. C'est pas parce que j'ai un cahier bleu que je suis une bite. Le sperme devient bleu. C'est pas parce que ma mère elle pue que je suis trop con. Ta mère ne pue pas, c'est pour ça que tu es con, car tu n'as pas pris le soin de la rendre olfactive. C'est pas parce que je sens. Je suis une bite. C'est pas parce que je suis une bite que je suis trop con. C'est pas parce que je pue que je m'emmerde. C'est pas parce que... Le Zef, il pue. Il pue du cul. Le Zef pue du cul. Moi, je suis pas ZF. Non, je suis pas. Non, non, je suis pas ZF. Tu n'es pas sien. admit there's something very right about all this. Il y a quelque chose de très bon à propos de tout cela, de très vrai, pas de faux, de un faux, de un mauvais, de un puant. Il y a quelque chose de très bon à propos de tout cela, mais je ne sais pas ce que c'est tout. J'en suis ignorant. Mais je sais qu'il y a quelque chose, car j'en suis ignorant de cette chose. Non, c'est pas vrai, je me trompe. C'est plutôt... Non. Oui. C'est ça. Différence entre devant et derrière. Non, on ne fait pas la différence. Oh. Fuck me. Pardon. Très bien. Il nous faut plus de bois. Oui, monseigneur. C'est moi, j'ai détruit le barrage. Non, j'ai détruit le barrage. Non, c'est moi qui détruis le barrage. Non, c'est moi. C'est nous tous qui avons détruit le barrage. Nous avons tous détruit le barrage. Non, pas le barrage. Nous sommes des destructeurs de barrage. Destructionnant le barrage. La religion est la seule chose

de fatigué. C'est pile les poids. Dire que la sodomie ça fait mal. Pourtant, si j'avais un diable sur la place du gland. Mais je te jure que pour entrer, j'aurais pas besoin de lubrifiant. Mais bon, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Ouais, c'est un remplacement, c'est uniquement pour les excréments. Pourtant, j'ai vu des films où les mecs étaient constitués et les femmes. Mais qu'est-ce que tu veux boire? Tout ce que tu veux. Mais alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te mettre? Vas-y, tu sais, c'est pour les PD. Ouais, mais je sais pas, c'est comment tu verras bien. En fait, je vous explique la situation. Vous êtes bien sûr Canal Sud 92.2, mais il se trouve que ceci est un, on va dire, une prise de contrôle forcée des studios, car nous sommes là et nous resterons là. Ouais. Oui, personne ne nous a donné l'autorisation. On va dire que nous sommes un petit peu comme des agents troubles. Des agents du FBI. Nous avons pris le contrôle. sol de ces locaux. Blah! There's something about nothing that doesn't bother me so much. Quite so much. There's something about nothing that doesn't bother me quite so much. It's always the same. It's nothing. And that's all. Samedi 7 février 2015, l'usance est finie.